l'an mou chapé I tout pré à tché ya ou En bisoué rattrapé Pou pa laissé y tombé sans fè a yè On nou pe vwè si nou aimé On nou ti pwè plis tan Pou nou pran décision Pa ni bon moun ki sans défaut Tout moun ni doit ni yon faiblesse Fou pa y pou twa plas an via On vle montre ou Bebe Ki jan vle chembe ou Flash down.